Madame Marneff, devenue son amie et sa confidente, faisait d'étranges façons pour accepter la moindre chose de lui. Bon pour les places, les gratifications, tout ce que vous pouvez nous obtenir du gouvernement, mais ne commencez pas par déshonorer la femme que vous dites aimer, disait Valérie. Autrement, je ne vous croirai pas. Et j'aime à vous croire, ajoutait-elle avec une œillade à la Sainte Thérèse guignant le ciel. À chaque présent, c'était un fort à emporter, une conscience à violer. Le pauvre baron employait des stratagèmes pour offrir une bagatelle, fort chère d'ailleurs, en s'applaudissant de rencontrer enfin une vertu, de trouver la réalisation de ses rêves. Dans ce ménage, primitif, disait-il, le baron était aussi Dieu que chez lui. Monsieur Marneff paraissait être à mille lieues de croire que le Jupiter de son ministère eut l'intention de descendre en pluie d'or chez sa femme, et il se faisait le valet de son auguste chef. Madame Marneff, âgée de 23 ans, bourgeoise pure et timorée, fleur cachée dans la rue du Doyenné, devait ignorer les dépravations et la démoralisation courtisanesque qui maintenant causaient d'affreux dégoûts au baron, car il n'avait pas encore connu les charmes de la vertu qui combat, et la craintive Valérie les lui faisait savourer, comme dit la chanson, tout le long de la rivière.